Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com/podcastscience et de faire un petit don. Ou même un tout petit. Hein. Pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission. Félicitations, vous avez fait le bon choix en vous inscrivant à cette aventure. Bienvenue à l'enregistrement de la formule Évasion Podcast Science de Nook Inc. Vous allez profiter d'une émission à trois voix sur la science du jeu vidéo Animal Crossing. Vous ne connaissez pas encore ce jeu ? Pas de problème, nous sommes là pour vous accompagner. Par contre, cela demande quelques frais, il vous en coûtera quelques 53 480 clochettes. Vous êtes dans Podcast Science pour l'épisode 416. Bonjour à tous, pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'intro du jeu Animal Crossing, vous en saurez plus à la fin de l'émission. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous rejoignent, voici une petite portion de l'équipe qui anime l'émission chaque semaine. Et pour cet épisode, nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et Léa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Cléora, pas loin de Perduville. Salut à tous. Johan depuis Paris. Salut. Et puis moi-même, Tup depuis Barcelone. Et donc ce soir, nous allons parler de la science d'Animal Crossing. Et nous avons une équipe assez représentative, je pense, parce que si je ne dis pas d'erreur, nous sommes trois à jouer, à avoir joué en tout cas à Animal Crossing, et pour certains à y jouer encore. Et nous sommes deux à n'avoir aucune réelle idée de ce qu'est Animal Crossing, à part qu'ils en ont beaucoup trop entendu parler ces derniers mois et qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Je suis bon là un peu sur la description ? Ouais, c'est bien, je pense. Parfait. Voilà, voilà. Et ben, du coup, on va être, comme j'ai dit au début, c'est un dossier à trois voix, donc je vais commencer par vous parler un peu du jeu au global. Derrière, on aura Eléa qui va nous raconter des trucs, alors je vais dire une bêtise sans doute, mais qui va nous parler des plantes, et Alexa qui va nous parler du musée d'Animal Crossing. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite, comme ça, comme on a pas mal de choses à raconter. Alors, du coup, après deux mois de confinement, ça y est, l'Europe commence à réouvrir les portes des bars, des parcs, et nous permettre de revoir nos proches. Et durant ces deux mois, le monde a été un peu en pause, et on a vu un paquet de choses que personnellement, j'aurais jamais cru possible. Et pour moi, l'élément qui cristallise un peu cette période comme jamais, c'est justement ce jeu vidéo Animal Crossing, qui est donc sorti sur la dernière console de Nintendo il y a juste trois jours après le début du confinement, le 20 mars. Et pourtant, aujourd'hui, on a, comme je le disais au début, un monde qui se divise en deux. On a ceux qui ne comprennent toujours pas vraiment ce que c'est que ce truc, et par contre, ils en peuvent plus de voir passer des blagues qu'ils ne comprennent pas. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont vraiment passionnés, et dont le premier mot qui vient à la bouche, c'est « à combien il est le navet chez toi ?» Une phrase qui reste mystérieuse pour les autres. Pour information, il y a un trafic de navets dans Animal Crossing, c'est un des meilleurs moyens de devenir riche. C'est pour ça que j'en parle de navets. Bon, ben ce soir, je vais essayer de voir un peu ce que la science peut raconter de ce phénomène, et essayer de comprendre ce qu'est Animal Crossing et pourquoi il est devenu une sorte de mème très symbolique de cette période de confinement. Alors pour ceux qui en douteraient encore, je vais vous raconter un peu pourquoi je considère que c'est un événement qui cristallise un peu cette période et qui est assez hors norme, avec quelques éléments un peu chiffrés. Bon, alors, bien sûr, il y a eu les fanatiques, comme, si je dis pas de bêtises, Alexa, tu l'attendais comme le Messie, le jeu qui sort, tu avais prévu de toute façon de l'acheter et d'y jouer. Ah oui, totalement, parce que moi, j'avais déjà joué sur DS et sur 3DS avec mes copains d'Internet, que je salue d'ailleurs, de N'est-ce pas. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, on jouait à ce jeu depuis longtemps, sans d'ailleurs vraiment réussir à expliquer ce que c'était et pourquoi on aimait autant que ça. Mais oui, c'était assez attendu, je pense, dans la communauté Nintendo d'une manière générale. Donc toi, tu faisais partie d'une première partie qui, à mon avis, est pas forcée. Je suis pas sûr qu'elle soit majoritaire sur les gens qui se sont mis à jouer pendant le confinement, des gens qui avaient prévu d'y jouer. Oui. Mais il y en a d'autres, comme moi, qui se disaient que c'était un jeu qui les concernait pas, et d'autres, à mon avis, Eléa, t'es l'extrême inverse, qui avaient pas du tout prévu de un jour jouer à Animal Crossing, voire qui ne savaient même pas ce que c'était avant de s'y mettre. Je me trompe pas, je crois. Ah non, tu te trompes pas du tout. J'avais jamais entendu essayer parler de ce jeu, enfin c'était vraiment l'inconnu. Enfin, je savais que ça existait, mais je savais pas du tout quel genre de jeu c'était, et je l'ai testé pour la première fois pendant le confinement, quoi. Voilà, et il faut savoir que c'est, à mon avis, assez représentatif, parce que la dernière version en date d'Animal Crossing, elle s'est écoulée en 13 millions d'exemplaires en 6 semaines. Pour vous donner une idée, c'est tout simplement le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de Nintendo, devant Mario, devant Zelda et devant Pokémon. Et pourtant c'est des jeux qui se vendent énormément. Et c'est pas tout, parce que pendant ces deux mois, on a vu des choses personnellement que j'avais jamais vu depuis une très longue époque. On parlera de ce groupe-là peut-être. Par exemple, Animal Crossing confiné, c'est le musée d'Angers qui organise des visites guidées dans le musée du jeu, dont va nous parler Alexa. C'est un théâtre parisien, le théâtre de Nel, qui a fait des spectacles d'improvisation dans le jeu. C'est des couples privés de mariage à cause du confinement qui organisent leur cérémonie dans le jeu. C'est Vogue qui organise un défilé de mode dans le jeu. C'est des marques qui viennent livrer à des îles des jeux et à des îles du jeu des réductions pour des vrais produits bien loin du clavier. C'est des manifestations politiques qui ont lieu, voire même des personnes politiques américaines qui en sont servies comme lieu privilégié pour faire des annonces. Récemment, on a vu qu'il y a le Ramadan qui a commencé dans Animal Crossing. Il y a une conférence de recherche intelligence artificielle qui a eu lieu dans Animal Crossing. Bref, c'est pas la première fois qu'on entend parler de monde virtuel. Selon votre âge, vous avez donc déjà peut-être entendu parler de Second Life, dans une certaine mesure de Minecraft ou de Fortnite. Mais à ma connaissance, c'est la première fois que ça concerne une aussi grande variété de personnes. Des gens du théâtre, des gens de la mode, enfin des gens qui d'habitude sont pas spécialement connus pour être très très présents en ligne et particulièrement dans les lieux virtuels. Et c'est en ça que ça m'a paru intéressant d'en parler dans Podcast Science, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu cet engouement à ce moment particulier du confinement. Des réactions, les non-habitués d'Animal Crossing, ça vous surprend ou pas? Oui, c'est un peu surprenant. On vous a déjà perdu. Mais okay. Je suis pas la seule à pas être habituée, moi j'ai joué hein, du coup. Non, mais je parlais plus aux autres, hein. Je parlais plus à Pascal, à Cléora et Johan, mais je vois qu'ils sont mutés pour l'instant, ils sont en train de s'endormir. Alors, on va parler de sujets un peu plus scientifiques. En tout cas, la plupart des personnes avec qui j'ai discuté et qui sont pas du tout habituées/fanatiques de Nook, donc qui est le petit raton laveur, je crois que c'est un raton laveur japonais, je crois que ça s'appelle un tanuki, la plupart comprennent pas vraiment ce que c'est que ce truc. Et c'est vrai que quand on regarde de loin le jeu Animal Crossing, c'est pas aussi clair qu'un jeu de combat où les gens vont tuer des ennemis, c'est pas aussi clair qu'un jeu de gestion où on construit des villes. Non, là on voit des gens qui courent sur une île, qui creusent des trous, qui font des arbres, ça a l'air un peu nul. Et donc c'est déjà la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un jeu et est-ce que c'est vraiment un jeu? Alors, dans un livre qui s'appelle Reality is Broken, la créatrice de jeux vidéo et chercheuse en jeux vidéo Jane McGonigal propose une liste d'éléments qui sont communs à tous les jeux vidéo. Et donc, on va voir, est-ce que Animal Crossing rentre dans ce cadre-là? Un jeu vidéo, ça a un but, ça a des règles, ça a un système de rétroaction, on dirait un système de feedback, hein, si on utilise des mots anglais, et une participation volontaire. C'est-à-dire qu'en général, un jeu, on choisit d'y participer, sinon c'est plus trop un jeu. Ça s'appelle soit un travail, soit de l'exploitation. Et alors, qu'est-ce qu'il en est d'Animal Crossing? Alors, Animal Crossing, déjà, il faut voir un truc très très particulier, c'est qu'on joue en temps réel. C'est-à-dire qu'un jour dans le jeu correspond à un jour dans la vraie vie. Vous arrivez sur une île déserte et vous vivez votre vie de nouveau responsable de l'île. Vous accueillez des habitants, vous décorez, vous collectionnez des œuvres d'art, etc. Mais attention, hein, c'est pas un jeu de gestion. Il n'y a pas de mauvaise manière de gérer son île, tout comme il n'y a pas d'obligation de faire quoi que ce soit. C'est votre île, après tout. Donc jouer à Animal Crossing, c'est chaque jour passer quelques heures à discuter avec ses habitants, à faire un peu de décoration, à arroser des fleurs, à aller voir des amis, puis éteindre sa console en attendant le lendemain. Ce qui fait que son but, il n'est pas très clair. En fait, on n'a pas vraiment de but, ou alors on fait on choisit son but. En fait, il y a même pas, on peut pas finir le jeu, on peut pas vraiment gagner, on peut pas perdre. il y a une myriade de petits et de grands objectifs que les joueurs se fixent eux-mêmes. Par exemple, moi, je vais me fixer d'aller me faire un théâtre dans Animal Crossing. Je vais construire un théâtre, mais personne n'y a obligé. On a vaguement Nook qui nous demande de lui rembourser de l'argent, mais Eléa n'a toujours pas remboursé Nook depuis 2 mois et ça pose aucun problème. Donc voilà, le côté but déjà n'est pas forcément clair. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, ça pose aucun problème. Disons, je peux pas avoir mon super agrandissement de maison pour avoir une véranda, quoi, mais... Ouais, mais t'es pas pénalisé, en tout cas. J'ai pas de deuxième étage. Et par rapport au but, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des jeux, on achèterait l'agrandissement de maison. Là, on l'a d'abord, et après, on doit rembourser Nook qui nous l'a offert. Donc, c'est quasiment remboursé. On donne le cadeau avant d'avoir à la rembourser. Bon, c'est un peu... c'est tout pareil, hein, dans les faits. Mais moi, c'est le seul jeu que je connaisse qui fonctionne comme ça. Bon, tout ça pour dire que le but, il n'est pas forcément très, très clair. Les règles, ça, c'est assez intéressant, et je pense que c'est ce sur quoi vous allez apprendre le plus de choses avec Eléa et Alexa, c'est que les règles sont, elles aussi, plus ou moins claires. En fait, comme vous allez le voir, une partie des règles sont cachées et sont découvertes ou non par le joueur. C'est-à-dire, c'est en jouant qu'on va découvrir des règles et des fonctionnements. Et ce qui, une des parties intéressantes du jeu pour certains joueurs, c'est que, en jouant, on se rend compte qu'il y a des mécanismes cachés qui sont intéressants à comprendre. Bon, ce qui fait que les règles sont pas très claires non plus. Et alors, du coup, il reste le système de rétroaction, de feedback, qui lui est bien présent, mais il est moins marquant que dans certains jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de score, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de statistiques de progression. Bon, alors, le dernier opus par rapport au précédent a intégré un système de trophées où on est récompensé régulièrement pour des petites tâches, genre « ouais, vous avez arrosé 4 fleurs ». Mais contrairement à beaucoup de jeux, il n'y a pas d'obligation du tout de faire ces choses. Et il n'y a même pas de contraintes temporelles. Le jeu reste intéressant pour certains joueurs si on ne le fait pas. Du coup, il nous reste le dernier critère qui est la participation volontaire. Et je pense que c'est celui-là qui est le plus intéressant à discuter scientifiquement, parce que personne n'est forcé à jouer à Animal Crossing, mais je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien pourquoi ils continuent d'allumer la console d'Animal Crossing après 300 heures de jeu. Et là, il y a sans doute des éléments de psychologie comportementale qui sont intéressants à creuser. Ça vous rappelle des choses, Alexa et Léa ? Ça correspond un peu ? Ouais, totalement. Totalement. Je pense que, enfin, il y a quand même un côté aussi, effectivement, un peu récompense, parce que même si effectivement c'est une participation volontaire, on a parfois envie, voilà, de rembourser son prêt, de faire des trucs, et ça joue vachement sur un peu le circuit de la récompense aussi, je pense, d'une certaine façon. Ouais. Donc, on va y venir. Ouais. Je pense que tu vas y venir, ouais. Ouais, et c'est pour ça que je lis ça au confinement, c'est parce que suite au confinement, une grande partie de nous a été forcée à télétravailler. Alors certains comme moi télétravaillaient déjà avant, mais on a été quand même cloîtrés dans notre maison, ce qui change des choses. Et alors, on a été beaucoup à découvrir que c'est assez pesant et fatigant, en fait. Faut dire que plusieurs années à faire chaque matin la même chose, se lever, se laver, petit déjeuner, prendre les transports, travailler, aller manger, travailler, etc., c'est d'un coup plus de repères, ou plutôt plein de repères à reconstruire. Et en fait, l'importance de ces routines et leur effet, ça a été étudié. En particulier, une partie de ces études est très très bien racontée dans un excellent livre que je vous conseille tout, qui s'appelle The Power of Habits, le pouvoir des habitudes, je crois qu'il a été traduit en français, qui raconte un peu qu'est-ce que c'est les habitudes, pourquoi elles sont importantes et en quoi elles peuvent aussi nous aider. Ça reste un livre de développement personnel, mais qui est très très baqué scientifiquement. J'ai été là sur ce dossier très très agréablement surpris de voir à quel point il est sourcé. Et entre autres, il parle d'une étude dans les années 90 qui a été faite par Anne Graybiel, qui a créé un labyrinthe simplissime pour des rats. Alors, on va torturer beaucoup de rats dans cet épisode. C'était un labyrinthe en forme de T, c'est-à-dire qu'il y avait un long couloir au bout duquel, à droite, il n'y a rien, et à gauche, il y a du chocolat. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait parcourir plusieurs fois le labyrinthe à ce rat en mesurant son activité cérébrale en temps réel. Et ce qu'elle a observé, c'est que lors des premiers parcours, son activité cérébrale était importante, il reniflait des choses, etc. Mais au bout d'un moment, l'activité cérébrale revenait très très faible, comme si le cerveau passait en mode totalement automatique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert par cette étude et par d'autres après, c'est que le cerveau fait tout pour limiter son utilisation d'énergie et nous permet de pas trop se fatiguer à répéter chaque jour notre routine matinale. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que c'est une manière de comprendre pourquoi dès qu'on va flinguer nos routines, on se fatigue, parce que c'est beaucoup plus fatigant de devoir construire des choses et de devoir s'adapter à de l'inconnu. En particulier, il y a un économiste et chercheur en psychologie qui s'appelle Daniel Kahneman. Je ne sais pas prononcer ses noms parce que je les ai lus, mais je ne me suis jamais posé la question de les prononcer. Kahneman, ouais. Kahneman, et qui a formulé l'hypothèse qu'en fait, on aurait deux systèmes de pensée. L'un qui justement est très rapide et plus ou moins automatique, et l'autre qui lui est plus celui comme on imagine les systèmes de pensée classiquement. Il a parlé beaucoup de ça, je crois, dans un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, quelque chose comme ça. Tu me corriges si j'ai pas de bêtises, Cléora. Ouais, c'est ça. Tu dois pas te souvenir. Et donc on aurait ce système en effet automatique, et tellement automatique qu'en fait, bon, on se souvient pas toujours de ce qu'on fait. Par exemple, on se souvient pas d'avoir fermé la porte à clé. D'ailleurs, à titre d'anecdote, il y a un de mes passages préférés dans le livre du Guide de Voyageur Galactique. Alors, je dis le livre, mais c'est dans un des cinq volumes de Douglas Adams, où il parle de la technologie du SEP, Someone Else's Problem, le problème de quelqu'un d'autre, où certains vaisseaux deviennent totalement invisibles parce que plus personne n'y fait attention tellement ils ont l'habitude qu'ils soient là. Et c'est une technique d'invisibilité dans ce bouquin de science-fiction. Voilà. Donc, en gros, les routines nous permettent de faire moins d'efforts et sont donc, à ce titre, extrêmement importante. Et là, on va refaire le lien rapidement avec Animal Crossing, mais le truc, c'est que c'est bien beau de parler de routine, mais ce qui est compliqué, c'est de créer cette routine-là. Donc au travail, on a vu, en faisant pendant des années la même chose, ben, y a une routine qui s'installe et qui est plus ou moins forcée par des contraintes horaires, etc. Mais un jeu vidéo, c'est avant tout quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire et qui, grosso modo, ne sert à rien. Donc pour créer une routine qui est liée à un jeu vidéo, ou pour créer une routine pour plein d'activités, c'est extrêmement compliqué à partir du moment où il n'y a pas un besoin, entre guillemets, vital à la faire. Et du coup, quel est le domaine de recherche qui est le mieux placé pour étudier comment créer une habitude répétée à laquelle on ne pense plus pour faire quelque chose qui ne sert à rien? Ben, c'est le marketing, bien sûr. Et il se trouve qu'au début des années 90, un certain Claude Hopkins, un des pionniers en publicité, il s'intéressa à faire de la publicité pour du dentifrice. Alors c'est très compliqué à cette époque parce que les Américains se brossaient pas vraiment les dents. C'était à une époque où les gens se brossaient pas vraiment les dents et du coup il s'agissait pas seulement de vendre du dentifrice mais de créer une habitude de brossage des dents pour tous les Américains. Sachant, et c'est un peu comme les régimes, que juste leur dire c'est important pour pas que vos dents aient des caries, c'est pas vraiment quelque chose qui est suffisamment convaincant pour former une habitude. Et du coup Hopkins y fit la promotion du dentifrice comme une solution pour ne plus avoir le léger voile qu'on a sur les dents quand on passe la langue, par exemple, on sent que c'est pas parfaitement lisse, si on l'utilise pas tous les matins. Et ça a motivé beaucoup de gens à acheter du dentifrice pour se laver les dents tous les matins. Est-ce que c'était un sujet de santé principal? Sûrement pas, mais c'était quelque chose qui était suffisamment motivant pour se dire « Ah, mes dents sont parfaitement lisses, tout va bien, donc je vais me brosser les dents pour qu'elles soient lisses. » Et quand plus tard ce mécanisme a été étudié, on a découvert un truc qui est assez dingue, encore en torturant des rats, qui est que, à partir du moment où on a une motivation à faire la routine, et qu'après on fait la routine et on a une récompense, en fait on va avoir les effets de la récompense, c'est-à-dire en gros le plaisir, au moment, avant même d'avoir fini la tâche. On peut l'avoir pendant la tâche. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une sorte d'euphorie au moment où on commence la routine ou quand on fait la routine, avant même d'avoir la récompense, parce que notre cerveau s'est habitué au fait qu'il allait avoir la récompense derrière. De mémoire, je sais plus comment ils ont... Ah oui, ça, c'était un singe où il lui montrait des images et quand il appuyait sur un bouton, il avait, je crois, du sirop qui lui était injecté. Et donc, il était super content. Et à la fin, il se mettait à être super content au moment où il voyait les images apparaître sur l'écran. Donc, c'est assez dingue de se dire qu'à partir du moment où on installe une routine, on a une sorte de système d'euphorie qui peut s'installer au moment où on fait la tâche qui, souvent, est rébarbative. Et du coup, c'est là où il y a une solution qui a apparu. C'est que pour avoir une routine, il faut créer une envie derrière une routine qu'on va répéter tous les jours, et comme ça, on va pouvoir avoir ce processus où, en fait, l'euphorie va remonter dans le temps, entre guillemets. C'est clair ou pas? Ouais, c'est super clair. Si tu veux rajouter des trucs, Cléora, n'hésite pas, hein, parce que je crois que tu connais plus ces sujets que moi. Ouais, c'est bien. Là, on est en mode vieux podcast science où moi, j'ai lu des trucs et j'essaie de vous raconter, mais je suis pas du tout spécialiste du domaine. Bon, et si je reviens à Animal Crossing... Je pense que là se situe un des génies de ce jeu vidéo, c'est particulièrement en cette période de confinement, c'est que non seulement il crée des envies, comme tous les jeux vidéo, on a envie d'avancer, on a envie de ceci, on a envie de cela, mais au lieu de nous permettre d'évacuer toutes les envies en vitesse en jouant 300 heures d'affilée en se sentant coupable, il les étale de jour en jour pour en faire une routine. Cette routine apaisante que justement on avait perdue avec le confinement. Pour vous donner une idée, dans Animal Crossing, on va par exemple avoir des maisons, des emplacements pour nos maisons, et puis on va pouvoir habiter un villageois. Bon, ben, on rencontre un villageois, on lui dit, est-ce que tu veux venir dans mon île? Il dit, oui, je vais m'installer. Ok, chic. Et du coup, faut attendre le lendemain pour le voir arriver. Quand il arrive le lendemain, il est en train de faire ses cartons. Faut attendre le lendemain pour voir ses meubles, installés. Etc. Donc, il y a vraiment ce système de jour par jour qui fait que chaque jour, on a une petite récompense à se connecter. qui est différente. Et on va voir aussi qu'est-ce qui fait que ça donne de l'engouement. Mais ça installe petit à petit une routine, une sorte d'euphorie où quand on installe, je pense, je sais pas pour vous, mais moi typiquement j'y joue à la même heure tous les jours. Et il y a ce côté, je suis content en allumant, je me dis tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir, et j'ai cette petite euphorie qui monte, qui est très routinière. Ouais, ouais, totalement. Et puis le côté aussi de voir ce qui s'est passé, si t'as planté des fleurs, de voir si elles ont poussé, de découvrir en fait ce qui se passe. Tu parlais des habitants, effectivement, on finit par s'attacher à eux, ce qui est complètement idiot parce que c'est juste des PNJ, mais on s'attache à l'univers qui s'est créé en fait et qu'on a créé nous-mêmes et qu'on a envie de retrouver régulièrement tous les jours. Alors ça, c'est un truc que tu dis, je l'ai pas fouillé, mais qui est hyper intéressant. Il y a plein de gens qui disent que faire visiter son île à quelqu'un, c'est intime, en fait. Et c'est un autre élément qui est assez fou, on va en reparler un peu très rapidement, mais d'avoir réussi à installer ce côté d'intimité dans un jeu qui est relativement rare. Bon, mais d'ailleurs, pour en venir là, c'est que c'est bien beau donc de parler de cette routine, mais il suffit pas de répéter quelque chose tous les jours. Il faut aussi créer de l'envie. Et là-dessus, je suis déjà un peu long, donc je vais laisser parler rapidement mes camarades, mais pour vous donner quelques idées... Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille un autre excellent livre qui s'appelle Actionable Gamification, qui essaie d'analyser comment on rend quelque chose ludique comme un jeu vidéo. Alors, le gros défaut de ce bouquin, c'est qu'il donne pas ses sources, mais pour avoir vérifié pour ce dossier, il est en fait vachement bien sourcé quand il parle pas de jeux vidéo. Quand il parle de jeux vidéo, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des domaines qui, je pense, sont plus durs à étudier scientifiquement, mais quand il parle de psychologie, en fait, les sources sont très bonnes. C'est très con qu'il les ait pas données, quoi. Et en particulier, il parle de 8 éléments qui nous poussent à jouer. Je vais vous en citer quelques-uns et vous allez voir que Animal Crossing les utilise assez à outrance. Les premiers éléments, c'est la possession et la rareté. Donc, la possession, c'est le fait que on aime posséder quelque chose et en fait, en psychologie, on parle d'aversion à la dépossession. On a peur d'être dépossédé de quelque chose. Et là-dessus, il y a une expérience qui est assez rigolote que j'ai découverte. Où on a deux groupes, on leur fait faire une tâche, je sais plus quelle est la tâche, et la récompense pour un des groupes, c'est du chocolat suisse, et pour un autre groupe, c'est un mug. Et après l'expérience, on propose à chaque groupe d'échanger le cadeau avec l'autre groupe. Et il y a que 10% qui acceptent dans les deux groupes. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas une histoire, le cadeau est mieux, c'est juste, non, mais c'est mon cadeau, je l'ai gagné, j'ai pas envie d'être dépossédé de mon truc, quoi. Et dans Animal Crossing, bah, chaque jour, on peut acheter des nouveaux objets. Tous sont pratiquement uniques, c'est-à-dire qu'il y a des centaines et des centaines d'objets, on en découvre très régulièrement, et chaque objet a une dizaine de couleurs différentes, ce qui bien que c'est très compliqué d'avoir deux personnes qui ont exactement le même objet, et on va se mettre à parler de ma maison, mon île, parce que pareil, mon île est néonique, donc il y a ce côté possession dont je parlais juste avant sur le côté intime, qui est que, voilà, ils ont créé quelque chose où on a l'impression de posséder alors que ça reste des avatars, des lignes de code un peu bébêtes. Et l'autre effet qui est bien connu, qui à mon avis est très lié, c'est la peur de perdre quelque chose. Et ça, j'en avais déjà parlé dans l'épisode où je vous explique comment devenir riche. Et c'est que, en gros, on a plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose d'équivalent. Et il se trouve que dans le jeu, bah, ça, ils utilisent à outrance parce que la plupart, on a des objets qui sont disponibles que durant une journée, que durant un mois. La plupart des animaux et des insectes, ils sont liés aux saisons, donc ils peuvent disparaître le mois d'après. Il y a des événements qui durent qu'une semaine, voire quelques jours. Et ce qui fait qu'il y a toujours cette peur de perdre ou de louper quelque chose si on n'est pas connecté. Il y a aussi tous ces personnages qui apparaissent un jour. Si un jour on n'a pas réussi à se connecter, on a peut-être manqué un personnage qui venait là assez rarement. Donc, Animal Crossing joue énormément sur cette possession et sur cette rareté pour justement donner de l'envie de revenir sur le jeu. L'autre élément dont j'aurais hélas pas le temps de beaucoup parler, mais en même temps j'ai pas trouvé énormément de sources, qui est énormément utilisé dans les jeux vidéo, et je pense que c'est un élément qui est clé dans Animal Crossing, qui est très dur à comprendre à l'extérieur, c'est l'élément social. C'est-à-dire que on se contente pas de jouer avec des personnages non-joueurs, comme parlait Alexa, on joue avec d'autres humains, on va visiter les îles, on va avoir beaucoup d'événements dont je vous parlais avant, des conférences, du théâtre, des visites de musées dans le jeu, ce qui fait qu'il y a une influence sociale. Moi, je me suis mis à rediscuter avec quelqu'un avec qui j'avais pas discuté depuis 6 ans, j'ai vu qu'il y avait plein de gens avec qui c'était arrivé, mon frangin, on s'est jamais autant parlé que depuis qu'on joue à Animal Crossing, juste parce que bah il y a ce côté social du jeu qui est très très présent, on est poussé très régulièrement à discuter avec les autres, à s'envoyer du courrier, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à voir de l'extérieur, mais qui en fait, à ces moments de confinement, a créé une sorte de lieu de rendez-vous virtuel qui pareil, était très rassurant. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment vrai. Je trouve que ça, c'est quelque chose, les gens en ont beaucoup parlé aussi, sur Twitter notamment, où des gens de Twitter qui se connaissaient pas trop ont commencé à organiser des événements, bah, comme tu dis, dans les musées, par exemple, et de parler un peu plus. Et ce que tu disais avec tes amis, moi, je m'y retrouve énormément aussi avec mes copains d'Internet, mais aussi d'autres copains, même en sciences et tout. Où d'un coup, on s'est mis à visiter nos îles et s'envoyer des éléments et des trucs, recréer aussi des endroits qu'on avait connus tous ensemble dans la vraie vie, dans le jeu. Et ça ajoutait vraiment au côté cohésion sociale qui était vraiment perdu pendant le confinement pour quand même énormément de gens. Ouais. Alors là-dessus, d'ailleurs, quand je disais que j'ai pas trouvé de source, c'est Cléora, je serais très curieux si t'as des pistes là-dessus. Et je me suis dit, ça va être le sujet le plus évident de trouver des sources qui expliquent à quel point le social est important pour notre développement psychologique, pour notre bien-être, etc. Et en fait, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé beaucoup de choses qui avaient l'air de plutôt du lifestyle, du bien-être, mais pas très sourcées. Donc, je suis étonné de pas avoir trouvé plus de choses, quoi. Je sais pas s'il en existe ou si c'est plus compliqué à étudier. Si, en psychologie du développement, on montre beaucoup que le social est vraiment très, très important dans le développement de l'enfant. D'accord. Surtout en psychologie du développement, oui. Et après, bon, le dernier point jeu vidéo qui est très utilisé dans Animal Crossing et qui est utilisé dans beaucoup de jeux vidéo, c'est l'imprédictabilité, le côté, le fait qu'il y ait des choses qui apparaissent au hasard. Alors là, le jeu arrête pas d'utiliser ça parce que chaque jour, en gros, il y a un nouveau visiteur sur l'île qui vient avec son lot d'objets qui, pareil, est pris au hasard. Éventuellement, il y a des quêtes, il y a des éléments à découvrir, il y a des événements. Enfin, on sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Et alors, là, ce que j'ai, en cherchant des sources, j'ai été amusé de voir encore une expérience avec un malheureux rat, promis, c'est la dernière de l'épisode, où cette attraction pour l'imprédictabilité a été mise en évidence. En gros, ils ont mis un rat dans une cage et ils pouvaient actionner un levier pour obtenir de la nourriture. Et si le levier donnait de la nourriture à chaque fois que le levier, si on lui donnait de la nourriture à chaque fois que le levier était actionné, bah, le rat, il s'arrêtait dès qu'il était rassasié. Par contre, si on lui donnait aléatoirement de la nourriture ou rien quand il actionnait le levier, bah le rat continuait à actionner le levier même après qu'il soit rassasié. Ce qui fait que, et je pense que ça c'est très très proche de ce qui se passe dans Animal Crossing, moi et je crois Alexa, non pas Alexa, mais enfin on est plusieurs à avoir fini entre guillemets le jeu, c'est-à-dire fait le gros de ce qu'il y avait à fournir dans le jeu, et on continue à se connecter, parce qu'il y a des surprises qu'on n'a pas encore tout à fait débloquées, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est utilisé à mort. Donc tout ça pour dire avec ces quelques exemples que Animal Crossing a réussi à vraiment matcher avec ce confinement, avec des besoins qui nous manquaient, à installer cette routine, et pour réussir à convaincre les gens à s'installer dans cette routine. Et je pense que Eléa, t'es un bon exemple de gens qui se sont retrouvés entre guillemets victimes ou partis ou convaincus par cette routine. Il crée énormément d'éléments d'envie qui en fait sont très connus par le jeu vidéo, qui distillent chaque jour de manière à ce qu'en fait on s'y connecte tous les jours pendant les 30 premiers jours et après c'est foutu, c'est devenu une routine. Voilà. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que... Bah toi, c'est pas devenu une routine en l'occurrence. Ouais. Ah non, pas du tout. C'est effectivement devenu une routine pendant les 30 premiers jours où je me disais « Ah, qu'est-ce qui va se passer ? Ok, alors je teste ça. » Et où j'essayais de me connecter tous les jours effectivement pour voir si j'avais loupé un truc, etc. Mais en fait, moi, cette routine a fini par vraiment m'énerver et ce jeu, j'ai plus qu'une envie maintenant, c'est de le boycotter parce que c'est horrible. En plus, tu te connectes pas pendant 2 semaines, tes voisins te font culpabiliser parce que t'es pas venu les voir, parce que ça fait longtemps qu'ils t'ont pas... voilà. Donc, vraiment, ça devient vite envahissant en fait comme jeu parce que ça exploite justement ces mécaniques sur notre façon d'être, notre envie, notre motivation à avoir toujours plus et ça nous rend esclaves de ce jeu, quoi. C'est horrible. Alors ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que moi je le modérais, je suis assez d'accord avec toi, et d'ailleurs dans le livre de gamification là, que je vous ai partagé, il divise les envies en deux, ce qu'il appelle noir et blanche, et il y a des trucs négatifs et des trucs positifs. Donc Candy Crush utilise quasiment que des éléments négatifs. Dans Animal Crossing, je pense qu'il y a un élément, c'est qu'il y a une manière d'y jouer qui est finalement moins, néfaste que la plupart des jeux vidéo, qui est de se dire, en fait, c'est un jeu où tu n'as qu'une demi-heure à y passer par jour, c'est pas la peine d'y passer plus. Et je pense qu'il a été conçu comme ça. Et pas d'essayer d'y jouer un maximum comme un truc maladif, et comme justement des jeux comme World of Warcraft vont te pousser à y jouer un maximum, sans avoir de limite. Alors qu'Animal Crossing, à un moment du jeu, et je pense que c'est un peu là où t'en es aussi, y jouer plus de 30 minutes, ça n'a pas vraiment de sens parce que t'as pas grand chose à faire. Alors tu vas avoir envie, je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté addictif. Mais finalement, il y a aussi éventuellement ce côté routinier où c'est comme te brosser les dents. Alors ce qui est pas beaucoup mieux, hein, parce qu'avoir une routine qui est uniquement liée à un jeu vidéo, c'est pas du tout plus sain. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un jeu qui est conçu par petite dose chaque jour plutôt qu'une sorte d'énorme dose infinie, quoi. Ce qui a changé la donne au moment du confinement, d'ailleurs, parce que c'est vrai que Animal Crossing, au départ, même si sur celui 3DS, il me semble, on n'a plus vu ça, là, les gens faisaient du time travel dans le jeu, mais même très vite, en fait, ont eu des îles hyper développées. Et j'ai l'impression que c'était moins le cas avant. Parce que déjà, tout simplement, les gens avaient des boulots, donc moins le temps de jouer, hein, faut dire ce qui est. Mais aussi parce que là, les gens ont un peu joué à fond pendant un mois donc, ou deux mois. Donc c'est vrai qu'ils sont allés plus vite que d'habitude. Mais à la base, le jeu est conçu et il me semble que c'était que les gens jouaient plus comme ça avant sur les opus précédents, sur un petit peu tous les jours. Et puis petit à petit, les îles se construisaient, mais sur un temps plus long que là, le confinement, où ça a été très rapide. Ouais, voilà, ben moi j'en ai fini pour ma partie. Je crois qu'on va laisser la parole à Eléa qui va nous raconter quelques trucs sur les plantes du jeu. Et après on écoutera Alexa nous parler du musée. Parce que le musée c'est un des meilleurs éléments du jeu, donc vous allez en apprendre plus. Alors ouais, bah du coup j'ai fini par craquer hein, pendant le confinement comme un peu beaucoup de gens et j'ai acheté Animal Crossing et j'ai commencé à jouer à Animal Crossing et bah je suis une très mauvaise cliente pour ce genre de jeu parce que effectivement la routine c'est pas un truc qui me séduit dans un jeu vidéo. Moi j'ai plutôt envie de progresser et de me dire je joue pour quelque chose où je vois que j'avance, ce qui est pas vraiment le cas d'Animal Crossing puisque au final tu dois rembourser un crédit, tu mets des années à le rembourser si tu passes pas des heures à pêcher des trucs et à vendre des trucs. Donc l'aspect routine m'a pas vraiment plu. Par contre, il a des aspects intéressants ce jeu, et notamment sa dimension assez éducative, mine de rien, parce que c'est vrai que c'est aussi un jeu de collection. On peut collectionner les insectes, les poissons et même les œuvres d'art. Du coup, à chaque fois que vous ramenez un nouveau spécimen de quelque chose dans le musée, vous avez un petit hibou qui s'appelle Tibou, là, c'est le conservateur du musée qui vient sur votre île, et il va vous faire un petit speech, et il va vous donner quelques anecdotes sur la vie, la biologie de l'animal, etc. Pour les œuvres d'art, vous pouvez les acheter à un renard au fond de votre île, et à chaque fois, il va vous proposer une série de vraies œuvres qui ont existé, qui ont été réalisées par des vrais artistes au cours de l'histoire, mais certaines sont trafiquées, donc il faut observer chaque tableau ou chaque sculpture avec plus ou moins d'attention, et retrouver la vraie image, la vraie sculpture pour l'offrir aux collections du musée. Donc c'est assez intéressant comme mécanique, parce que ça demande à se renseigner, et ça fait appel à un peu de curiosité. Et du coup, bah, fallait m'imaginer au début. Moi, j'étais tout en joie en découvrant ces aspects du jeu et en explorant mon île déserte pleine de plantes. Voilà, donc il y a des patchs de lamiers, il y a des patchs de trèfles, il y a des cerisiers, des pétunias partout. Voilà, j'étais très contente. Dans Animal Crossing, il y a des plantes endémiques, c'est-à-dire des plantes qui poussent spontanément sur votre île, et puis il y a toutes les autres que vous pouvez trouver en explorant d'autres îles ou en rendant visite à vos copains. Et moi qui avais tant d'espoir que les plantes auraient elles aussi leur place dans une fabuleuse section de jardin botanique dans le musée de mon île, et qui me voyait déjà comme Jeanne Barret, la première femme française exploratrice et botaniste à avoir fait le tour du monde, je me voyais déjà comme elle à ramener des spécimens pour remplir mon jardin botanique, eh bien rien du tout. Les plantes dans Animal Crossing, c'est utilitaire au mieux, et sinon c'est de la déco. Du coup, ce que je voyais comme une profusion de plantes sauvages en petits patchs qui poussent sur notre île comme ça, et qui en plus changent d'aspect en fonction des saisons, hein, parce qu'ils se sont quand même donné du mal, tout ça, ça donne un petit côté sauvage à son île, etc. Mais en réalité, du point de vue du jeu, c'est juste de la mauvaise herbe, et celle-ci, on doit l'arracher pour que notre île ne perde pas en réputation. Voilà, parce que c'est très important de faire augmenter la réputation de son île, puisque l'objectif, entre guillemets, de l'histoire, c'est de faire venir la star Kéké, qui est un chien qui joue de la musique, si notre île a suffisamment bonne réputation pour qu'il vienne faire un concert. Voilà. Donc, alors certes, il y a plein d'espèces de plantes, hein, y a des buissons. Alors par exemple, on peut acheter des azalées roses et blanches, on peut acheter des camélias, on peut acheter des hibiscus, des buissons de houx, des hortensias, des osmanthus. Enfin bon, voilà, il y a l'occasion de découvrir pas mal de variétés de buissons. Il y a aussi 6 sortes d'arbres fruitiers qu'on peut collectionner, donc des cerises, des pommes, des pêches, des poires, des oranges, des cocotiers, qui d'ailleurs ne pousse que sur un sol sablonneux. Et là, au niveau respect de la gueule des arbres par rapport aux fruits qu'ils fournissent, je crois que c'est pas hyper réaliste pour le coup. Alors non, l'aspect des arbres est pas très réaliste, mais on reconnaît quand même le fruit. Ils ont fait un effort. Alors, il y a aussi des arbres qui sont là pour l'ambiance, hein. Il y a juste un feuillu qui pourrait être n'importe quel arbre, tout ce qu'il y a de plus classique, et qui a priori change d'aspect en fonction des saisons, par exemple. Je crois que c'est un chêne parce qu'il fournit des glands à une certaine période de l'année. Ouais, mais en même temps, il devient rose comme un cerisier au printemps, du coup, je sais pas trop. C'est juste un arbre random qui change d'aspect pour la saison. Et il y a aussi des sapins, parce que ça fait bien en altitude, et il y a quelques bambous pour faire un peu exotique, et évidemment pour pouvoir récolter du bois, parce que sans bois, on est aux abois dans le jeu, on peut rien construire. Mais alors attention, parce que si vous plantez trop d'arbres en vous disant « je vais avoir plein de bois, ça va être génial », ou alors « c'est joli », eh ben vos villageois vont venir se plaindre parce que votre île est trop sauvage et qu'ils se sont perdus dans la forêt. Et là, bonjour la réputation, vous ruinez votre jeu. Voilà. Alors en plus de ça, je me suis renseignée, il y a plus de 14 000 objets dans le jeu. Je ne sais pas si vous imaginez 14 000 objets à collectionner. Vous pouvez les fabriquer, vous pouvez les trouver, vous pouvez les acheter. Et parmi tous ces objets, il y a évidemment des plantes et des plantes en pot. Par exemple, vous pouvez avoir des kokedama. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des boules de mousse japonaises dans lesquelles vous pouvez planter quelque chose. Et ça, c'est une technique qui permet de conserver l'humidité et qui fait des espèces de structures un peu décoratives. Je ne sais pas si vous connaissez les autres. Ouais, si, si. Voilà, dans le jeu, ouais, mais... C'est bien, tu découvres des techniques horticoles incroyables. Tu peux construire des pots de lierre, des petites serres pour mettre des crassulacées. D'ailleurs, je crois que c'est pas le nom technique, je crois que le nom technique c'est boule bambou. Voilà, tu boules bambou. Mais il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de vrais trucs de jardinage, de vraies plantes, et vraiment il y a un certain souci du détail, quoi. Et je parle pas des navets. Alors, les navets, c'est encore une situation à part, hein. C'est ni comestible ni décoratif, mais c'est littéralement un système spéculatif boursier en jeu. C'est-à-dire que vous achetez vos navets le dimanche, et puis vous avez une semaine pour trouver le meilleur moment pour les revendre au meilleur prix, sachant que le tarif du navet varie chaque matin et chaque après-midi, et que si vous ne vendez pas d'ici le samedi, même à perte, eh bien vos navets pourrissent, et c'est tant pis pour vous, vous avez perdu tout l'argent investi dans vos navets. Alors, t'arrête juste, on peut manger les navets? Bon, du coup, tu perds l'argent lié aux navets. Mais c'est possible de manger les navets. Ah oui, d'accord. Bah, j'avais pas réussi. J'ai déjà fait ça par erreur, j'étais dégoûtée. Donc, je corrige, je suis désolée, on peut manger les navets. D'ailleurs, on peut manger les autres fruits aussi, et ça permet de couper du bois. Oui, chercher le rapport. Mais voilà. Donc, les designers du jeu se sont quand même embêtés à créer ces environnements et ces mécaniques à base de plantes. Hein. Il y a des plantes assez réalistes, il y a une grande variété d'espèces qui ne sont là, au final, que pour décorer ou fabriquer des objets. Du coup, c'est une dimension assez utilitaire, et ça, c'est pas sans rappeler notre propre rapport aux plantes et tout ce qui est vert en général. Hein. On a tendance à pas voir les plantes autrement que comme des produits, des consommables ou du décor. Bref, de la matière plutôt que de les envisager comme des organismes vivants qui font partie de vrais écosystèmes. Voilà, donc pour une fois qu'un jeu fait un petit effort de pédagogie sur la biologie, eh ben, on parle encore une fois que des animaux, des poissons, des insectes, et les plantes vertes sont là pour décorer l'insectarium et l'aquarium, sans être ne serait-ce que nommées ou qu'on en apprenne la moindre anecdote à leur sujet. On peut même pas collectionner ces plantes et demander aux conservateurs de nous donner des infos sur leur milieu de vie. Elles sont là et elles servent à autre chose que d'exister en tant qu'espèce. Et là, la biologiste en moi est très très vexée de ce genre de mécanique. Alors, il y a quand même une petite notion d'environnement puisque certains coléoptères, par exemple, apparaissent que sur des troncs d'arbres coupés, voilà, que vous devez couper après avoir mangé un fruit, si vous avez bien suivi. Et certains papillons ne butinent par exemple que sur certaines plantes hybrides. Alors, puisqu'on parle d'hybrides, finalement, les plantes les plus intéressantes dans ce jeu, ce sont les fleurs ornementales, puisqu'on peut les hybrider entre elles, comme dans la vraie vie, selon des règles qui sont assez inspirées de la génétique classique et dont Alexa va vous parler juste après. Donc on a des chrysanthèmes, des cosmos, des jacinthes, des lys, des pensées, des tulipes, des anémones et même des roses, que vous pouvez hybrider de au moins 7 façons différentes pour obtenir des roses bleues, violettes, noires et même dorées. Et là, on s'éloigne un peu de la réalité, mais Tup est très fier d'avoir sa première rose dorée, je crois. Ça fait. Voilà. Donc, Alexa, du coup, si tu veux prendre le relais pour expliquer un peu comment ça fonctionne, le système d'hybridation dans Animal Crossing, je pense que c'est quand même une partie intéressante de la science dans ce jeu. Et du coup, je te laisse la main. Oui, exactement, parce qu'en fait, effectivement, comme tu l'as dit, le jeu, en fait, moi, je trouve qu'il est formidable pour tous les aspects que tu pas cité, moins pour les plantes. Ça, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un peu, mettre une meilleure place pour les plantes. Avec, voilà, le jeu joue sur plein de mécaniques différentes. Mais pour ce qui est du respect de la science en elle-même, en fait, le jeu est finalement très bon. Et alors, pour ça, je vais vous parler, bah, comme tu viens de le dire, des hybrides et des croisements des fleurs ornementales et aussi du musée un peu plus tard. T'en as déjà parlé un petit peu, donc ça fera aussi une bonne transition. Et en fait, donc je voulais parler des hybrides parce que là, pour le coup, on a des vraies règles de génétique derrière. Donc, comme vous l'avez un peu vu dans ce que Tup et Aléa ont dit, les fleurs constituent un élément clé d'Animal Crossing. Parce qu'elles vous permettent d'agrémenter votre île, donc c'est joli, et donc de gagner des étoiles à la mairie si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir une super belle île si vous avez plein de fleurs, donc vous attirez des nouveaux habitants, vous avez des meilleures notes, vous pouvez avoir du muguet, etc. Et en fait, pour avoir une grande diversité de fleurs, vous avez, comme tu l'as dit déjà Léa, beaucoup de fleurs ornementales. En fait, on peut avoir des anémones, des pensées, des cosmos, des lys, des jacinthes, des roses, des tulipes et des chrysanthèmes. Donc bon, ça peut vous permettre de reconstruire, comme dans la vraie vie, des parterres assez sympas finalement, sachant qu'il existe différentes couleurs. Il existe trois couleurs de base, jaune, rouge et blanche, et on va voir un peu plus tard qu'en fait, on peut faire des croisements pour obtenir d'autres couleurs. Donc ça va quand même assez loin. Lorsque vous démarrez le jeu, en fait, vous avez un type de fleur qui pousse sur votre île dans les trois couleurs de base, donc jaune, rouge et blanche. Par exemple, moi, quand j'ai commencé avec des chrysanthèmes que j'avais partout sur mon île, donc j'avais pas accès à d'autres choses. Et après, quand j'ai débloqué la boutique Nook, donc qui est la boutique où on peut acheter des choses, comme Carrefour, on va dire. Et ben là, j'ai pu acheter d'autres fleurs, un autre type de fleurs qui était dans mon cas les tulipes. Mais pour avoir accès à toutes les autres fleurs dont j'ai parlé avant, il fallait que je joue sur les mécaniques de jeu dont Tup a parlé, c'est-à-dire aller visiter des amis qui, eux, ont démarré le jeu avec un autre type de fleurs, ou alors il fallait que j'aille sur d'autres îles mystères pour avoir accès à toutes ces fleurs. Donc, on avait cette idée qu'on commence avec un certain type de fleurs et on peut avoir accès à d'autres fleurs en voyageant ou en les achetant. Et donc voilà, ça permet d'avoir toute la diversité. Mais vous allez me dire, bon, c'est cool, là, tu vas chercher des fleurs sur les îles des copains ou partout, mais quelle est la science derrière tout ça? Eh bien, la science, en fait, elle se situe dans les croisements. Car comme je vous l'ai dit, on a au départ une fleur qui pousse sur notre île, on peut en chercher d'autres, mais au départ, elles ne sont présentes qu'en trois couleurs de base, en gros, jaune, rouge et blanche. Et en fait, ce qu'on veut faire, comme Eléa en a déjà parlé, c'est avoir des fleurs d'autres couleurs, des fleurs qui peuvent être orange, rose, verte, violette, bleue ou noire, et parfois même jusqu'au doré. Parce qu'avoir des fleurs comme ça, bah déjà ça nous permet d'augmenter la note de notre île, mais ça nous permet aussi d'attirer des espèces de papillons rares et plein d'espèces qui peuvent nous intéresser pour le musée, comme on le verra après. Alors, comment obtenir ces couleurs à partir des trois couleurs de base? Ben en fait, c'est comme quand vous faites des croisements en fait dans votre jardin. Vous plantez côte à côte, par exemple, un pot de chrysanthème blanc à côté d'un pot de chrysanthème rouge. Et si vous avez de la chance, vous aurez des insectes qui vont venir polliniser tout ça et vous pourrez avoir éventuellement des chrysanthèmes roses à la fin, en fonction de la génétique derrière. Et c'est là où on va rentrer dans les détails, parce que le jeu prend ça en compte aussi. Et donc, dans Animal Crossing, vous n'avez pas besoin d'insectes butineurs pour faire les croisements, mais en fait, il faut mettre vos plantes de différentes couleurs à côté, vous les arroser, et si vous avez de la chance, le jeu vous fournira un hybride. Et là, donc, où ça fait fort, c'est qu'en fait, c'est pas de la chance, c'est de la génétique classique et de la génétique notamment mendélienne. Alors, est-ce que ça parle à tout le monde, la génétique mendélienne? Oui, non? Bah si, la génétique mendélienne, c'est la génétique théorisée par Georges Mendel qui croisait des petits pois. Exactement. Alors, il croisait des petits pois, donc il y a des choses qui sont un peu controversées aujourd'hui sur notamment les proportions qu'il a obtenues. Je pense qu'il a un petit peu lissé ses résultats dans le bon sens. Mais il croisait des petits pois lisses et ridés. Un phénotype, c'est-à-dire le phénotype lisse étant dominant sur l'autre, par exemple. Et en les croisant, il a pu mettre en évidence que Vous avez l'aspect de ces petits pois, en l'occurrence, ou l'aspect d'une plante, qui peut être aussi sa couleur, dans le cas d'Animal Crossing, qui va être déterminé par les gènes qui sont derrière. Alors à l'époque, évidemment, on parlait pas de gènes ni d'allèles, mais qui vont être déterminés par des caractères présents dans la plante, qui peuvent être soit dominants, soit récessifs. C'est-à-dire que si on prend le cas d'Animal Crossing, par exemple, et d'une plante, si vous croisez un chrysanthème rouge et un chrysanthème blanc, si l'allèle rouge est dominant, si vous croisez les deux, vous aurez une plante qui a un génotype rouge-blanc, mais qui va être de couleur rouge, puisque l'allèle rouge domine le blanc, et le blanc va être appelé allèle récessif, étant donné que l'allèle blanc ne s'exprime pas. Si vous avez rouge-rouge, vous avez une plante rouge, si vous avez rouge-blanc, vous avez une plante rouge, et si vous avez blanc-blanc, vous avez une plante blanche. Est-ce que c'est clair jusque-là? Tout à fait. Tout à fait. Par contre, vous pouvez avoir aussi un autre cas, si vous croisez un chrysanthème, par exemple, rouge et un chrysanthème blanc. Donc, le chrysanthème rouge étant rouge-rouge, le chrysanthème blanc étant blanc-blanc. Si vous les croisez et que l'allèle rouge et blanc, les allèles rouges et blancs sont codominants, dans ce cas-là, vous aurez un chrysanthème rose, parce que votre allèle rouge s'exprime, votre allèle blanc s'exprime, et donc quand vous croisez, les deux allèles vont s'exprimer, vous aurez un phénotype rose qui est hybride entre le phénotype rouge et le phénotype blanc. Et dans Animal Crossing, c'est pour ça qu'on parle de fleurs hybrides, parce qu'à partir de plantes de couleurs différentes, par exemple rouge et blanche, vous pourrez obtenir des plantes hybrides, par exemple roses, qui auront un génotype différent des parents, étant donné qu'il aura fallu un gène rose et un gène blanc pour faire pour obtenir la fleur rose qui est de génotype rouge-blanc, alors que ses parents sont rouge-rouge et blanc-blanc. Est-ce que c'est clair? Juste pour la définition de allèle, parce que je sais pas si t'as, oui, t'as expliqué ce mot, le mot allèle, c'est un mot qu'on utilise pour dire que c'est une version d'un gène qui code pour quelque chose, donc en l'occurrence la couleur. Voilà, exactement. Donc là, vous avez un gène qui code pour la couleur de la fleur, et vous avez différentes versions de ce gène qui vont en fait être responsables de la couleur de la fleur. Donc si vous avez le gène couleur du pétale de la fleur, vous pouvez avoir la version rouge, vous pouvez avoir la version blanche. Vous avez deux copies par plante. Si vous êtes rouge-rouge, vous avez une plante rouge. Si vous avez deux allèles blanc-blanc, vous avez une plante blanche. Et si vous avez un allèle rouge et un allèle blanc, la couleur de votre plante sera déterminée par la dominance ou récessivité de chacun des allèles rouge et blanc. C'est plus clair comme ça ? Ok. Alors bon, Animal Crossing, les croisements des plantes reposent sur ce système, sur la dominance, la récessivité des différentes couleurs, des différents gènes de couleurs des plantes. Et en fait, dans Animal Crossing, on n'a pas un gène avec 3 ou 4 allèles. On a 3 ou 4 gènes, c'est-à-dire qu'on a 3 ou 4 gènes différents qui vont contrôler la couleur des plantes. Les roses ont 4 de ces gènes et les autres fleurs en ont 3. Et il existe pour chacun de ces gènes différents allèles qui vont être dominants ou récessifs. On a un gène R, on a un gène Y, on a un gène B. On a aussi un autre encore S pour les roses. Et en fait, vous imaginez que déjà quand on a que 2 gènes, on a une combinatoire assez impressionnante. Et ben dans Animal Crossing, on en a 3 ou 4, et donc on a une combinatoire hyper complexe qui va déterminer la couleur de vos fleurs. Sachant que suivant l'espèce de fleur, on a aussi des différences entre l'importance relative de ces gènes. Et Léa, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, alors que quand tu parles du nom des gènes là et que tu leur donnes des lettres, c'est complètement, oui, arbitraire, on est d'accord. C'est une bonne remarque. En fait, c'est arbitraire, ça fait partie du... Donc en fait, ce que les gens ont fait, c'est que des gens ont été regarder le code du jeu et ont déterminé quels étaient les caractères qui déterminaient ça. Et donc, ils ont appelé ces gènes, voilà, de ces noms-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 ou 4 gènes qui déterminent la couleur et qui ont été appelés en fonction, du code du jeu qui implémente ces 4 gènes-là. Ouais, pour insister sur cet aspect-là par rapport à ce que je racontais, c'est que du coup, toutes ces règles-là que tu décris, nous, on a, à part montrer qu'il y avait des fleurs sur l'île, il n'y a même pas une explication qui dit qu'on peut croiser les fleurs. Donc ça, c'est des ressorts qui sont à la fois de découvrir les règles au fur et à mesure de jouer en faisant des expériences. Éventuellement, on peut expérimenter soi-même. Et il y a des gens qui expérimentent sur Animal Crossing des trucs ici ou là. et le côté social, c'est-à-dire de discuter sur des forums, etc., d'essayer de déduire comment fonctionnent les trucs, qui est assez courant dans certains jeux vidéo, mais qui est vraiment un des ressorts pour donner envie d'aller plus loin et d'échanger ensemble. Voilà, exactement. Ça vraiment, il y a une communauté qui s'est construite tout au début du jeu, dans les premiers jours, pour savoir quelle probabilité on pouvait avoir d'avoir tel hybride. Donc il y a des gens qui ont fait des expériences, littéralement des expériences comme on fait en science, hein, sur leur île, en mettant les fleurs à côté et en regardant quel pourcentage de chance ils avaient d'avoir les différents hybrides. On a quand même une combinatoire complexe, hein, si on combine tous ces gènes ensemble, ces 4 gènes et ces versions dominants récessives, on a jusqu'à 81 possibilités de génotypes différentes pour une fleur donnée, donc c'est quand même pas mal. Et donc, les gens ont découvert, comme tu le dis si bien, ces possibilités en testant dans le jeu, en allant chercher le code aussi. Bon, là, du coup, c'est un peu triché, mais c'est pas quelque chose qu'on nous disait au départ. Les gens se sont dit, bon, combien de différents hybrides différents on peut avoir en partant de ces croisements. Et donc, ça a été, c'est la découverte s'est faite comme ça. Alors, si vous trouviez ça déjà compliqué, parce que c'est quand même déjà pas mal, en fait, le jeu va encore plus loin puisque le génotype qu'on a dépend aussi de l'origine des fleurs. Si on a les fleurs natives peuvent avoir un génotype différent de celles que vous achetez parce qu'elles se sont déjà croisées que celles que vous achetez chez Nook, par exemple. Donc, si vous avez en tête tous vos génotypes pour faire vos croisements comme un vrai scientifique, en fait, faut bien partir de fleurs que vous achetez parce que sinon ça ne marchera pas, étant donné que vous ne connaîtrez pas leur génotype avant. Si vous trouvez des fleurs hybrides sur les îles, elles ont aussi un génotype différent, un génotype qui a plus de chances de donner d'autres fleurs hybrides de première ou deuxième génération. Donc, ça va quand même très très loin, quoi. C'est pas juste, on met deux fleurs de deux couleurs différentes ensemble et pouf, on en a une autre. Non, non, non. Vous devez poser vos fleurs ensemble, faire vos croisements, arroser vos plantes. Si vous avez de la chance, vous aurez un hybride dont la fréquence d'obtenir cet hybride va dépendre du génotype de la plante que vous ne connaissez pas forcément. Du coup, moi, je trouve que c'est quand même assez cool. Les fleurs, c'est quand même serious business dans Animal Crossing. Et si vous pensiez que croiser les fleurs dans le jeu était aléatoire, eh bien, vous vous trompiez. Ça se base vraiment sur de la biologie. Parlant de routine, du coup, vous trouvez ça chiant d'arroser vos plantes et de pas pouvoir partir en vacances sans trouver un voisin pour les arroser, mais Animal Crossing, c'est pire. Si vous voulez vous hybride, vous devez vous connecter tous les jours et arroser vos plantes à l'arrosoir, à la main, pendant une demi-heure. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a des discords et des communautés qui se mettent en place sur Internet où des gens, par altruisme, ou contre des clochettes, qui est la monnaie du jeu, propose de venir sur votre île pour arroser vos plantes si vous avez la flemme de le faire. Ce qui est quand même pas mal. Donc moi, je suis sur un Discord, par exemple, qui a comme logo un navet, propose des rencontres arrosage de fleurs pour produire plus d'hybrides. Je pense que un élément pour reparler psychologie et jeux vidéo, un élément intéressant là-dedans, et moi qui m'a beaucoup étonné dans Animal Crossing, que j'ai découvert à ce moment-là, et qui en fait est assez présent dans beaucoup de jeux Nintendo, c'est le côté récompense de la personne qui cherche. C'est-à-dire qu'il y a très peu, à ma connaissance, de mécanismes dans Animal Crossing qui sont bêtement de l'aléatoire. C'est-à-dire que la plupart des mécanismes où il y a de l'aléatoire, en fait, il y a des choses à découvrir derrière, des fonctionnements qui dépendent de ce qu'on fait en entrée, etc. Et donc, il y a des choses à découvrir, et je trouve que c'est assez épatant d'avoir ce côté récompense de gens qui font un peu attention. Sur les œuvres d'art, c'est assez marquant. Il y a, par exemple, une Vénus de Milo, et le fait qu'elle soit fausse, c'est qu'elle porte un collier. C'est quand même pas le gros truc où, je sais pas, elle a un chien dans les bras, ou elle a des bras. C'est vraiment plus de l'ordre du détail, quoi. Faut faire attention. Alors, bon, bien sûr, on peut aller chercher la solution, mais c'est... Je trouve que c'est assez amusant ce côté de donner de l'engagement par vous aurez une récompense en cherchant. Et il n'y a rien de plus frustrant quand on cherche à résoudre un problème de découvrir qu'en fait on cherche quelque chose qui a pas vraiment de solution ou qui est pas intéressant. Donc être récompensé quand on découvre qu'il y a de la génétique, je trouve que c'est dingue. C'est de dire en fait j'ai passé du temps à comprendre les fleurs et ça valait le coup, il y avait un truc à comprendre. Voilà, exactement. C'était juste l'aléatoire et le jeu qui me donnait ça. Au hasard, en fait. Et d'ailleurs, Léa parlait des fleurs aussi tout à l'heure, et un autre petit truc qui est quelque chose de finalement assez vrai scientifiquement, même si c'est pas aussi poussé, qui est pourquoi s'emmerder à faire des hybrides finalement ? C'est joli les hybrides, c'est vrai, mais en fait c'est un intérêt dans le jeu, parce qu'avoir des hybrides et donc des fleurs qui sont plus colorées ou colorées d'une certaine façon, ça va attirer des insectes rares dessus. Et ça aussi, c'est un truc qu'on peut observer dans la nature. On a des insectes qui sont liés à certaines fleurs, etc. Donc, bon, même si là, du coup, le lien est très, très, très ténu, hein, on n'est pas dans la génétique, mais avoir des fleurs de couleurs différentes va vous permettre d'attirer des insectes rares. Ce qui a un intérêt avec un autre aspect du jeu, c'est que les insectes rares, vous pouvez les vendre cher ou les apporter au musée. S'ils sont rares, vous avez plus de chances de les avoir. Et donc, du coup, vous pouvez avoir beaucoup de clochettes et de choses comme ça. Mais bon, en gros, vous avez quand même ce lien. Fleurs colorées, fleurs rares, vous attirez des insectes. Comme ça, donc on a une espèce de quand même lien biologique encore derrière qui finalement je trouve assez bien mené. Et pour finir, je vais vous parler d'un autre aspect biologique slash paléonto qu'on a dans ce jeu et dont Eléa a déjà parlé un peu, qui est le musée en fait, puisque on a parlé de poissons, on a parlé d'insectes, on a parlé, les fleurs n'ont pas leur place dans le musée malheureusement, mais on a parlé de tout un tas de choses qu'on peut faire. Et en fait, une des choses qu'on peut faire quand on attrape des insectes, des poissons et des fossiles, c'est les vendre pour se faire des clochettes et agrandir sa maison. Mais on peut aussi les mettre dans le musée, qui va acquérir un spécimen de chaque, et qui va en fait ensuite être comme un musée, c'est-à-dire vous le remplissez, et ensuite vous allez voir ce que vous avez attrapé, vous allez dans le musée, vous apprenez des choses sur les espèces que vous attrapez, etc. Donc il y a ce côté un peu éducatif qui a plu énormément aux musées du monde entier. D'ailleurs, je crois que c'est le Field Museum à Chicago qui a fait un événement Animal Crossing en mettant des vraies choses à eux de leur musée dans le musée Animal Crossing et dans un autre musée Animal Crossing qu'ils ont construit à côté. Donc voilà, même les muséums, les vrais muséums de la vraie vie trouvent que c'est génial et que c'est bien fait. Notamment parce que toutes les espèces que vous apportez au musée, les fossiles, les poissons, les insectes, sont des espèces réelles. Et contrairement aux fruits, enfin aux arbres fruitiers qui sont assez approximatifs, ces espèces réelles que vous capturez dans le jeu, elles ont vraiment le design de l'espèce. C'est-à-dire, quand vous la mettez en grand, elle ressemble vraiment, le poisson ruban ressemble vraiment à un poisson ruban. Le poisson clown ressemble vraiment à un poisson clown. Et ce qui est plus fort, comme l'a dit Tup, c'est que le jeu se déroule oula, pardon, en temps réel. Ce qui veut dire que si c'est le matin dans le jeu, c'est aussi le matin chez vous. Si c'est le soir, c'est le soir. Et ça aura des conséquences sur ces espèces. Parce qu'une espèce qui est plutôt présente le matin, hein, y compris que voilà, qui sort plutôt le matin dans la vraie vie aussi, ne sera pas là le soir dans le jeu. Et vice-versa. Du coup, pour tout attraper, en fait, il faut pas vous connecter en fait tous les jours à la même heure. Faut vous connecter dans la semaine par exemple à plusieurs moments pour pouvoir attraper toutes les espèces. C'est aussi vrai pour l'année. Certaines espèces, notamment certains papillons, ne sont présentes que certains mois de l'année. Ce qui veut dire que il y a des gens par exemple fin mars là, il y avait des espèces à attraper avant qu'elles disparaissent. On a tous essayé d'attraper certaines espèces avant qu'elles disparaissent parce que sinon il faut attendre 6 mois. Avant de les revoir. Et ça, c'est vraiment calqué sur les présences de ces espèces dans l'année, donc je trouve que c'est assez chouette. Tu voulais dire un truc, Eléa ? Non, mais t'imagines l'esclavagisme qui t'impose pour avoir ta collection d'insectes, quoi. Tu dois te connecter à minuit pour attraper un poisson nocturne dans un marais au troisième niveau. Pas la nuit, quand même, mais oui. C'est marrant que tu soutiennes pas ça, Eléa, parce que je trouve que c'est une porte qui est hyper intéressante pour découvrir le vrai métier des gens qui s'intéressent aux animaux, en fait, et aux insectes. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je suis complètement pour la démarche, mais en fait, la mécanique de jeu te rend dépendant de ça. Autant aller le faire dans la vraie vie, tu vois. Non, mais clairement, pour travailler avec des espèces saisonnières que je dois aller chercher en terrain à des certains moments de l'année, moi, c'est plutôt leur période de reproduction, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce jeu a autant plu à aussi beaucoup de naturalistes, de biologistes, de zoologistes, de chercheurs de terrain. Parce qu'en fait, c'est quand même assez proche de ce qu'on fait. Faut dire ce qui est, quoi. C'est vraiment bien, bien rendu. Et le dernier point que je voulais aborder, parce que c'est aussi super cool d'un point de vue scientifique, ce sont les fossiles. Donc les fossiles, vous pouvez les trouver, ils apparaissent aléatoirement tous les jours, vous les déterrez avec votre pelle, vous voyez un petit trou dans le sol, et parfois ce trou renferme un fossile. Il y en a 52 en tout dans le jeu, et ils correspondent à un os d'animal entier, ou une partie, enfin un animal entier du coup, hein, les ossements d'un animal entier, ou une partie de cet animal. Et lorsque vous amenez vos prises au musée, c'est valable pour tout, mais pour les fossiles en particulier, vous rencontrez Thibaut, dont Eléa a parlé, qui est le conservateur du musée, qui vous expliquera un science fact sur l'espèce en question. Par exemple, moi, quand j'ai vu Thibaut et que je lui ai amené l'ankylosaure, Il m'a dit « L'ankylosaure est un peu le barbare à gourdin des créatures disparues. Entre sa queue en forme de marteau, ses piquants acérés et son cuir épais, on peut dire qu'il en imposait. » Bon, voilà, c'est des descriptions qui sont quand même assez légères. Mais parfois, il nous met des vrais faits scientifiques sur ces espèces. Du coup, quand on amène les fossiles ou d'autres animaux au musée, bah, on apprend des choses. Ce que je trouve assez chouette. Et pour la partie fossile, oui. Non, non, mais je sais pas si tu avais parlé de scénographie, parce que je pense que c'est aussi un autre élément qui, moi, j'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo. Le fait que le musée, en plus de quand tu l'apportes, il te décrit les espèces, les espèces sont mises dans un musée comme dans un vrai musée. C'est-à-dire, dans les jeux vidéo, oui. Jusqu'alors, moi, d'habitude, les musées, c'était des empilements de choses les uns derrière les autres sans aucune scénographie. Là, on a une vraie scénographie. Typiquement, il y a un brachiosaure, je crois, où quand on regarde en haut, en fait, la météorite qui va tuer les dinosaures est en train d'arriver sur là où sont tous les dinosaures. Et il y a un ptérodactyle qui est en train de voler sur le côté, etc. Donc il y a une vraie mise en scène, comme on peut avoir dans des bons musées, des œuvres d'art. Pareil pour ce qui est des œuvres d'art, et pareil pour les animaux, c'est encore plus chouette. C'est là où je pense que Eléa aurait adoré voir un jardin botanique comme ça, parce que les animaux, ils sont vraiment mis en scène dans des environnements où ils vivraient. Les poissons, il y a un espace de rivière, il y a un espace de plus type océan, il y a tout ce qu'il faut pour au niveau scénographique, quoi. Ouais, alors c'est super bien que t'en parles maintenant parce que j'allais y venir. Moi vraiment, je trouve qu'on se croirait dans le muséum de New York, de Londres ou de Chicago, quoi, les salles ou le muséum d'histoire naturelle à Paris. Je veux dire, la salle des fossiles, ça peut faire partie. Pensez à la grande galerie de l'évolution. Les salles sont belles, elles sont claires, elles sont magnifiques. C'est vraiment comme un vrai musée. L'aquarium, il y a une partie où le personnage se balade dans un tunnel entouré d'eau, où les poissons qui vivent dans ce milieu sont là en train de nager autour. Les poissons des profondeurs sont dans un endroit hyper sombre. Donc on est vraiment proche de ça. Et comme tu parlais de la météorite dans la partie dinosaure, ce qui est super chouette aussi avec la partie fossile, c'est que au sol, tous les fossiles sont reliés entre eux selon leur arbre phylogénétique. Quand on se promène dans la partie fossile, vraiment par terre, on a des lignes qui relient les fossiles entre eux, et c'est la phylogénie, donc les relations de parenté, les réelles relations de parenté qui existent entre ces fossiles. Et ça, pour un jeu qui est quand même pas un jeu de science à la base, je trouve que c'est génial. Dans la dernière salle qui représente toutes les espèces des habitants, bon, qui sont globalement des vertébrés, mais bon, on a aussi un octopus, donc bon, pas uniquement, mais tous les personnages qu'on n'attrape pas, donc qui sont nos habitants, qui sont des animaux, eux aussi, ils sont rangés selon leur arbre phylogénétique, et entre eux et nous, il y a l'australopithèque, et après, l'homme qui a sa place dans l'arbre phylogénétique aussi. Donc je trouve que c'est moi, quand j'ai pénétré dans le musée juste après son ouverture, que j'ai vu ça en tant que scientifique et en tant que quelqu'un qui bosse sur l'évolution notamment, je me suis dit, c'est quand même incroyable, c'est pas étonnant que le jeu ait conquis autant de scientifiques et que, qui, comme les autres, organisent des rencontres dans le jeu et ont été si contents d'y participer, parce qu'on a une vraie composante scientifique derrière. Et pour terminer cette chronique, je vais terminer par un fun fact. Donc, ce jeu, c'est un des jeux qui a, notamment à cause de tous ces dialogues scientifiques avec les dialogues avec les habitants, mais aussi les dialogues de Thibaut du musée et tous les faits scientifiques derrière. C'est un des jeux qui est considéré comme le plus dur à traduire. Genre, les gens qui traduisent ce jeu, qui font toutes les versions de toutes les langues, disent que c'est un cauchemar parce que le volume de texte est énorme à cause de ça. Parce qu'il faut trouver des noms spécifiques pour chaque espèce, chaque chose que Thibaut va raconter. Mais ça parle beaucoup dans le jeu quand même. Alors ça parle en mode Animal Crossing, c'est-à-dire que les animaux parlent. Mais bon, voilà. On pourra parler énormément de comment est conçue la langue d'Animal Crossing. Ah bah vas-y, du coup. Et ça, j'ai découvert ça. Alors je n'ai pas vérifié si c'était vrai ou pas, mais la démo qui a été faite sur une chaîne YouTube donnait la même chose. Ce qu'ils ont fait, a priori, c'est qu'ils ont enregistré la prononciation de chaque lettre des mots. Ouais, c'est ça. Et après, sur un mot, du coup, ils passaient tous les sons de toutes les lettres et ils mettaient ça en accéléré. Et c'est pour ça que ça ressemble un peu. C'est pour ça que ça fait du yaourt, parce que c'est exactement ça. Même du yaourt qui ressemble un peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que, genre, si t'as le mot arbre, ils disent juste A-R-B-R-E et ils accélèrent. Ils disent pas A-R-B-R-E, ils disent A-R-B-R-E. C'est-à-dire, ils prononcent la lettre, ça fait « ah » et puis ils font ça en accéléré, donc ça marche plutôt bien. Mais il y a des mots que ça ne peut pas marcher, mais dans le tas, en fait, ça fait un truc qui ressemble vaguement, quoi. Ok. Et je crois que pour celui-là, ils ont même été un peu plus loin. C'est qu'ils font aussi des couples de lettres ou des choses comme ça pour avoir des sons qui ressemblent un peu plus. Mais en gros, comme il y a beaucoup trop de dialogues pour tout enregistrer, je crois qu'ils ont vraiment essayé de faire une sorte de truc qui sonne un peu comme la langue, mais pas trop. Et c'est pour ça qu'en effet, t'as l'impression qu'ils parlent français quand ils parlent en français. Et quand moi j'ai écouté dans d'autres langues, t'as l'impression qu'en effet, ils parlent pas la même langue, quoi. Oui, exactement. C'est marrant, ça. Donc là aussi, on a un espèce d'aspect un peu linguistique, finalement, dans ce jeu. Voilà, et ben moi j'ai terminé sur la partie science, hein. Je pense que c'est déjà pas mal, je trouve, pour un jeu. On a eu un super dessin dans l'intervalle de Evatrice qui a mis un petit dialogue avec une maman qui dit arrête de jouer à ton jeu vidéo et va faire tes devoirs, et puis son gamin qui lui répond mais maman, ils ont dit sur Podcast Science, avec ça on peut découvrir l'ADN, les insectes, les allèles récessifs, la mécanique quantique, les chats de Schrödinger mutés avec sa propre couleur, et il y a que moi qui l'ai. C'est très mignon. C'est totalement vrai. Et en plus, l'OMS a recommandé de jouer aux jeux vidéo pendant le confinement. Du coup, il n'y a pas vraiment d'excuse pour pas jouer à Animal Crossing. Hein. Moi, je reste Team Minecraft, hein, quand même. Il y a moins de science dans Minecraft, mais il y a de l'informatique, c'est déjà ça. Ouais. Mais alors, explique-nous la différence entre Minecraft et Animal Crossing. Bah, ça n'a rien à voir. Bah oui, mais il y a peut-être des auditeurs qui connaissent pas les deux. Non, t'as pas envie. Je pense que c'est un autre épisode. Non, mais Minecraft, ce qui serait hyper intéressant si on devait faire un épisode de science là-dessus, c'est de parler d'informatique, parce que en gros, je crois que tu peux faire une machine de Turing dans Minecraft, ce qui veut dire que tu peux faire n'importe quel programme. Ouais, on peut faire toutes les portes logiques. Ça commence à être sexy. Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux écrire n'importe quel programme. Il y a en effet des gens qui ont écrit des calculatrices dans Minecraft. Et après, l'autre élément qui me paraît hyper intéressant à parler dans Minecraft, et qui a été, bah d'ailleurs, on connaît des gens, je pense, Léa, qu'on pourrait inviter pour ça. C'est la génération des mondes, qui en fait, oui. c'est des aspects qui sont assez compliqués. Et Minecraft, ça a été un des jeux qui l'a fait de manière assez réaliste. Enfin, pas assez ludique, où finalement, le jeu reste intéressant avec sa génération de mondes. Et complexe, alors que t'as beaucoup de jeux où, en fait, la génération de mondes reste très très simple et pas passionnante comme pouvait l'être un Minecraft. En tout cas, il y a plus de 10 ans maintenant qu'il est sorti. Donc. Ah, je t'ai renvoyé la balle comme il faut, Léa, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Non, mais c'est pas du tout le même type de jeu dans leur gameplay, quoi. C'est-à-dire que Minecraft, un jeu de construction à grande échelle avec des cubes et tout. Enfin, c'est un jeu d'aventure et de construction en même temps. Je pense que... ouais. Il n'y a pas ce côté routine et il n'y a pas. En fait, le côté routine est assez unique. Ça existe quasiment plus des jeux qui sont en temps réel. Et après Minecraft, c'est le côté Minecraft, il y a vraiment pas de but. Autant dans Animal Crossing, il y a des micro buts en fait tous les jours. Minecraft, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont paumés encore en se connectant à Minecraft, parce qu'ils ont aucune idée de quoi faire. Et après au niveau scientifique, je pense que t'es pas aussi nourri comme l'a décrit Alexa et sur la génétique et tout que Animal Crossing. Bah non. Mais j'ai perdu aussi beaucoup de temps dans Minecraft. bon, j'ai l'impression qu'on n'est plus que Pascal et Johan ont disparu, donc on va pouvoir peut-être aller vers la suite. Juste, il y avait Brusicor qui disait, j'ai répondu dans la chatroom, mais qu'effectivement la paléo dans, il y a des gens qui disent que c'est pas ouf la paléo dans Animal Crossing. Alors c'est vrai que les explications de Thibaut notamment sont assez light. Après, par contre, au niveau de l'arbre phylogénétique et des relations de parenté, ça reste correct. Bon, après, bien sûr, avec tous les gens qui se fightent sur les détails de l'arbre phylogénétique, qui changent en plus assez souvent en fonction de certains groupes. Donc bon, bah, voilà, ça reste évidemment soumis aux évolutions de la science. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu plus vague que pour la génétique des fleurs. Mais on a quand même des choses qui sont valables. Je crois que Johan est revenu. Non, Johan, t'es revenu ? T'as des choses à nous raconter ? Non ? Non, rien. Moi, j'ai joué à la première fois à Minecraft lundi soir. Mais c'était rigolo. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Parfait. Très bien. Merci, Johan. Sinon, j'ai jamais joué à Animal Crossing. Je suis en train, les amis, de chercher une citation parce que je me rends compte qu'on a oublié une citation. Est-ce que vous avez une citation, très chère Covoi de l'émission, pour Animal Crossing, ou je mets celle que j'ai trouvée? Je pense que les plantes d'Animal Crossing pourront utiliser cette citation. On en a gros parce que elles ne sont pas reconnues en tant qu'êtres vivants à part entière, voilà. Les hamsters non plus, je te rappelle. Les hamsters non plus, mais voilà, les hamsters et les plantes, le même combat. Ok, du coup, on a un quiz, c'est ça? Tout à fait, nous avons un quiz, donc c'est toujours le même que les semaines précédentes. En ce moment, le quiz du moment, c'est « La vitamine C empêche de dormir, info ou intox ?» On vous répondra à la fin du mois, probablement dans le dernier épisode de la saison. Donc n'oubliez pas de nous envoyer des mails si vous avez une idée pour répondre à ce quiz. Vous pouvez nous écrire à podcastscience@gmail.com ou sur les réseaux sociaux, nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous en pensez. Tube, t'en penses quoi? J'étais en train de chercher la côte. La vitamine C en fait, alors là, mais dans le genre, j'en pense absolument rien. Je pense que là, on est pas mal au niveau j'en pense rien. Tu m'aurais dit le café, mais alors là, rien du tout. Okay. Je vais dire que c'est une info. Très bien. Eh bien, réponse dans quelques semaines. Ok, on passe à la citation. Alors, la citation, c'est le drame, parce que du coup, je viens de la chercher, donc je l'ai trouvée sur un Reddit un peu obscur, et je sais pas de qui elle est. Mais j'aime bien, ça résume pas mal. C'est tout avec modération, sauf pour les snacks. C'est Einstein qui a dit ça. Je sais pas, je trouve que ça colle bien avec Animal Crossing. Oui, c'est Einstein, c'est ça. Ça colle très bien avec Animal Crossing, je trouve. Cool, du coup il nous reste qu'à conclure, c'est ça? C'est un peu compliqué ce conducteur à piège. Bah en même temps c'est comme ça quand on prépare pas l'émission en avance, Bah donc concluons, j'espère qu'on vous aura peut-être pas redonné envie de jouer à Animal Crossing, j'ai pas envie que vous vous forciez à jouer à Animal Crossing si vous avez pas envie, en tout cas vous avez appris des choses, on est curieux d'avoir vos retours, si vous avez envie d'avoir plus d'émissions où on essaie de vous parler de la science dans les jeux vidéo, bah on pourra essayer de se pencher sur le sujet dès qu'on aura notre prochaine addiction. En tout cas, nous de notre côté, on va aller échanger nos prix de nos navets et visiter nos îles respectives, aller arroser nos plantes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie.